Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous ce soir. Nous allons lire ce soir trois textes dans la parole de Dieu, pas seulement dans le livre de la Genèse. Parce que il y a des thèmes qui sont développés dans le livre de la Genèse et qui sont repris ensuite dans le reste de la Bible. Parce que comme nous l'avons vu, ce qui est arrivé au Père, donc au commencement, est une prophétie de ce qui se produira aussi à la fin des temps. Et ce matin, nous nous sommes arrêtés sur cet épisode dramatique d'une révolte contre Dieu, qui était l'épisode de la tour de Babel. Et nous avons vu comment le Seigneur a appelé, après Noé, un autre juste, Abraham, pour qu'il sorte de cet empire babylonien et qu'il se mette en route vers la terre promise, et notamment vers cette cité qui est l'exact, disons, le contraire exact de Babylone. Babylone, la ville des hommes. Babylone, la ville qui se révolte contre Dieu. Tandis que Jérusalem, qui est la cité fidèle. Et avec les sages d'Israël, nous avons dit, il y a en réalité deux villes au monde seulement. Babylone et Jérusalem. Et non seulement chaque être humain doit choisir pour lui-même de laquelle de ces deux villes il veut être citoyen, mais il faut aussi constater que ces deux villes sont en opposition permanente. Il ne peut y avoir aucune coexistence pacifique entre ces deux villes. Le conflit est permanent, parce qu'elles sont animées par deux esprits différents. Jérusalem est inspirée, conduite par l'Esprit de Dieu. Babylone est animée et conduite par un esprit étranger, démoniaque, qui n'est autre que l'esprit de l'Antichrist. Et je voudrais que nous revenions sur ce thème ce soir, parce qu'il est, à mon avis, essentiel dans l'époque dans laquelle nous vivons. Et mon sujet sera le suivant ce soir, Babylone, Babel et l'esprit de l'Antichrist. Pour cela, nous ferons trois lectures. La première dans le chapitre 10 du livre de la Genèse et au verset 8. Cush, fils de Ham, descendant de Ham. Ham, le plus jeune des fils de Noé, qui avait commis l'infamie, l'abomination dont nous avons parlé hier. Et finalement, il va donner lui aussi naissance à une lignée de qui sera une lignée impie. Et de cette lignée de Ham sortira donc un certain Cush qui enfantera aussi Nimrod. C'est lui qui le premier fut un vaillant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, on peut aussi traduire « contre l'Éternel ». C'est pourquoi on dit « comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel ». Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur, qui bâtit Ninive, la ville de Rehovot, Kala, Retsen, la grande ville entre Ninive et Halar. Nous ferons une deuxième lecture maintenant dans le livre de Daniel. Et pourquoi justement sortons-nous du cadre du livre de la Genèse pour aller finalement presque, on dirait, au centre de la Bible? Parce que justement, Il y a un détail qui nous est rapporté dans le chapitre 11 du livre de la Genèse, c'est que ce premier empire humain, construit, créé par ce Nimrod, dont le nom signifie le révolté, donc celui qui se révolte contre Dieu, et qui conduit le monde ancien dans la première grande révolte contre Dieu, eh bien, va connaître la confusion, dans ce sens que Dieu va descendre et il va faire en sorte que, après l'exil qui va frapper les habitants de Babel comme un jugement de la même manière que l'avons vu ce matin, eh bien, les hommes vont cesser de construire Babel. Babel est une ville, Babylone, qui va rester inachevée. Mais de la même manière que les hommes de tous les temps ont rêvé d'un retour à l'Éden, retour impossible, eh bien, les hommes aussi ont ce rêve d'une ville universelle, de ce que l'on qualifierait aujourd'hui de grand village mondial, qui serait effectivement l'achèvement de cette ville qui est restée dans cet état que nous décrit la Bible. Et tous les grands constructeurs d'empires, les empereurs romains, avant eux les Assyriens, les Babyloniens, les Égyptiens, dans notre histoire moderne, Napoléon, Hitler, Staline et d'autres, n'est-ce pas, ont toujours eu ce rêve de reconstruire et d'achever Babel. Et Dieu a agi vis-à-vis de tous ces Nimrods qui se sont levés dans l'histoire pour construire cet empire dirigé contre Dieu comme l'était le premier empire humain. Dieu n'a permis à aucun de ces Nimrods d'arriver à ses fins et d'achever son entreprise. Et Babylone est restée inachevée jusqu'à ce jour. Et cependant, Babylone a connu des moments glorieux. Parce que justement, les sages d'Israël ont fait une remarque. C'est que s'il est vrai que ces deux villes, Babylone et Jérusalem, sont dans cet état de conflit permanent, il y a pour l'une comme pour l'autre des hauts et des bas. Les deux villes non seulement sont en conflit, mais ne peuvent pas subsister ensemble. Lorsque l'une existe, l'autre est en ruine, et vice-versa. Nous avons vu qu'Abraham, le premier olé, le premier pèlerin, en quelque sorte, vers Jérusalem, quitte Jérusalem, quitte Babylone, pardon, et se rend dans un pèlerinage qui va l'amener à monter. Et quand nous examinons notamment le chapitre 12 de Livre de la Genèse, nous voyons que le pèlerinage d'Abraham, parce que c'en est un, toute sa vie en réalité sera un pèlerinage, comprend trois étapes. Trois étapes, une première qui l'amène dans une ville qui est située au nord du pays, qui se nomme Sichem. Et là, Abraham construit un autel à l'Éternel. La deuxième étape le conduit de Sichem à Bethel, au centre du pays. Et là aussi, Abraham construit un autel et invoque le nom de l'Éternel. Troisième étape d'Abraham, il se rend à Hébron. Et là aussi, il construit un autel à l'Éternel. Hébron est le sud du pays. Ça veut dire que comme Dieu le lui a ordonné, Abraham va parcourir le pays du nord, depuis Sichem, jusqu'au sud, c'est-à-dire Hébron. Et dans cette manière de construire des autels, il consacre ce pays à l'Éternel. Ou pour parler autrement, il en fait une conquête spirituelle. Il est intéressant de noter, par exemple, que la conquête militaire du pays, qui interviendra plusieurs centaines d'années plus tard et qui sera conduite par Josué, reprend ces trois étapes. Josué s'empare d'abord de Aï-Béthel. Aï et Béthel sont deux villes qui sont absolument voisines. Auparavant, bien que le texte biblique ne l'évoque pas, il y a eu une conquête plus ou moins pacifique d'ailleurs de la région de Sichem. Et puis il y a ensuite deux batailles, une qui a lieu dans le sud, notamment contre une coalition dont un des rois essentiels est justement le roi d'Hébron. Et puis une autre bataille qui a lieu dans le nord, auprès d'un lieu qu'on appelle les eaux de Mérom. Ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants. Et en construisant ces autels dans ces trois lieux stratégiques du pays, qui marquent le nord, le centre et le sud du pays, Abraham conquiert spirituellement le pays pour Dieu, et c'est son successeur, Josué, qui concrétisera cette conquête d'une manière matérielle, effective, par des campagnes militaires. Mais déjà, ce pays est consacré à Dieu. Et puis de là, le pèlerinage d'Abraham va se poursuivre. Il va se poursuivre notamment jusqu'à cette ville qui se nomme alors Shalem. Shalem, qui évidemment n'est autre que Jérusalem. Et cette rencontre à Shalem avec un mystérieux personnage, Malchisédek, roi de justice et roi de Shalem, Shalem, Shalom, donc roi de paix, eh bien, marque finalement l'apogée du pèlerinage d'Abraham. Il y reviendra encore une deuxième fois au moment de l'Akéda, lorsque le Seigneur lui donnera l'ordre de sacrifier son fils sur la montagne de Moria, qui n'est autre qu'une des montagnes de Jérusalem. Par conséquent, c'est sur cette montagne de Jérusalem que s'achèvera le cycle d'Abraham, le pèlerinage d'Abraham. Donc, on va de Babel à Jérusalem. Deux villes qui sont justement en opposition. Et finalement, pourquoi Abraham peut-il se rendre librement à Shalem, Jérusalem? Parce qu'auparavant, Babylone est en ruine. Et cette visite d'Abraham à Shalem, cette rencontre avec Malchisédek, a aussi une dimension prophétique. Ce qui est arrivé aux patriarches arrivera aussi à leurs descendants beaucoup plus tard. Et de fait, beaucoup plus tard, un descendant d'Abraham, David, s'empara de Yévous, qui redeviendra alors Jérusalem, et qui va devenir la capitale de l'État d'Israël, non seulement sur le plan politique, mais essentiellement sur le plan spirituel. Et l'Esprit Saint dira à David, tu es prêtre, toi et ta dynastie, pour toujours, selon ce qui a été donné à Malchisédek, selon l'ordre de Malchisédek. Et les rois de Jérusalem, les descendants de la dynastie de David, jusqu'au dernier d'entre eux, c'est-à-dire le Messie Jésus, sont en fait des héritiers spirituels de ce personnage qu'était Malchisédek. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce personnage et, comme le dit l'Épître aux Hébreux, de voir que là, nous sommes aussi devant une figure messianique. Cette rencontre et cette conquête de Jérusalem, Yévous, par David, est rendue possible aussi par le fait qu'à cette époque, eh bien, Babylone est en plein marasme, en plein déclin. Et ce déclin de Babylone va permettre que depuis Jérusalem, avec David et avec son successeur Salomon, un immense empire israélien se crée au Moyen-Orient. Un empire qui va depuis l'Euphrate, Tadmor, juste au bord de l'Euphrate, jusqu'en Égypte. Un empire qui embrasse une immense partie du Moyen-Orient. Et les historiens profanes nous expliquent que la constitution de cet empire d'Israël n'est possible que parce que, justement, Babylone et la Mésopotamie sont en plein marasme et sont en plein déclin à cette période. Le règne de Salomon marque l'âge d'or d'Israël et, à la mort de Salomon, commence un long déclin du peuple de Dieu. Schisme d'abord politique et surtout décadence spirituelle et morale. Et alors que, lentement mais sûrement, le peuple d'Israël décline de cette manière, lentement mais aussi sûrement, le peuple de Babylone, qui était au plus bas pendant le règne de David et de Salomon, va recommencer à monter sur la scène de l'histoire. Et alors que Jérusalem est descendue dans l'apostasie, dans l'idolâtrie, donc dans une situation où il a perdu la bénédiction de Dieu, Babylone, au fait de sa gloire, au fait de sa puissance, sous le règne de ce roi Nebuchadnezzar, va détruire Jérusalem et déporter ses habitants à Babylone. L'apogée de Babylone implique la destruction de Jérusalem. 70 ans passent et Babylone, bouffi d'orgueil, enivré par cette gloire qui lui a été donnée, eh bien, va connaître l'humiliation. Le roi de Perse, Cyrus, en 535 avant Jésus-Christ, détruit Babylone et s'en empare. Et une des premières mesures que ce roi Cyrus prend après s'être emparé de Babylone, c'est de permettre aux captifs de Juda, qui se trouvent en Babylonie, à revenir dans la Terre Sainte pour reconstruire Jérusalem. Et c'est le deuxième temple, la deuxième gloire de Jérusalem. Jérusalem, détruite par Babylone dans sa gloire, va pouvoir ressurgir au moment où Babylone à nouveau est abaissée. Et c'est ainsi que, pendant toute cette longue période, eh bien, Israël va connaître cette deuxième période de gloire de son histoire. Puis, à la fin de cette période, là aussi, où le peuple d'Israël s'enferme dans un certain formalisme qui, finalement, lui fait en sorte qu'il va être aveugle au dessein de Dieu en ce qui concerne Jésus, un nouvel avatar de Babylone, qui n'est autre que l'Empire romain. Et ça, dans la vision des sages d'Israël, l'Empire romain est une résurgence de Babylone. Et cette deuxième Babylone, qu'est l'Empire romain, 70 après Jésus-Christ, détruit Jérusalem. L'Empire romain, au fait de sa gloire, au fait de sa puissance. L'Empire romain, nouvelle Babylone, détruit Jérusalem et à nouveau disperse ses habitants. Et la Bible nous enseigne que, de fait, ces deux villes ne pouvant pas exister ensemble, il faudra aussi qu'au temps de la fin, pour que Jérusalem soit restaurée, eh bien, cette nouvelle Babylone, que sera Rome, soit elle aussi détruite. Et je voudrais ici lire un texte que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, et qui est un texte très intéressant au chapitre 17. Donc, Genèse et Apocalypse, deux livres qui se rejoignent. Puis, l'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole. Il me dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. Il me transporta en esprit dans un désert. Désert, domaine satanique, nous avons vu. Nous ne sommes pas ici dans un jardin d'Éden, mais nous sommes dans le désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, qui avait sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parlée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations, de ses impudicités et de son inconduite. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et à sa vue, je fus subi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonner? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et qu'elle est cette tête et les 10 cornes. La bête que tu as vue, elle était. Elle n'est plus, mais elle va remonter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit depuis la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront à la vue de la bête parce qu'elle était, elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Il faut ici de l'intelligence et de la sagesse. Les sept têtes sont les sept montagnes sur lesquelles la ville est assise. Ce sont aussi sept rois. 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Il doit rester peu de temps. La bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un huitième roi. Elle aussi est un des sept. Elle s'en va à la perdition. Les 10 rois, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu un royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, le vaincront aussi. Nous avons ici deux textes qui se complètent l'un l'autre. Celui des chapitres 10 et 11 du livre de la Genèse, où nous voyons justement cette grande Babylone qui est inachevé. Et nous avons vu toutes ces tentatives que nous retrouvons dans l'histoire, de voir les hommes rebelles essayer d'achever, de reconstruire et d'achever Babylone. Et nous avons dit que Dieu n'a jamais permis à aucun des Nimrod qui ont succédé à ce premier personnage d'atteindre ses desseins. Et jusqu'à ce jour, Babylone reste inachevée. Mais lorsque nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons Jean, être subi d'un grand étonnement quand il voit justement cette bête et la femme qui est assise sur cette bête. Et il a reconnu, bien sûr, que cette bête n'est autre que Babylone. Babylone enfin achevée. Dieu a fini par permettre aux hommes d'achever Babylone. Et Jean est saisi d'un grand étonnement. Comment cela est-il possible? Cette bête qui était, qui n'est plus et qui réapparaît au temps de la fin pour être achevée. Une ville, et on n'a pas lu tout le texte parce qu'il est trop long, mais une ville qui englobe la terre tout entière. Tous les rois de la terre lui sont soumis. Une ville qui a entre ses mains, qui contrôle toute la puissance humaine, toute la richesse humaine, tout le luxe qui a été produit sur la terre. Une ville qui peut déclarer qu'elle ne sera jamais veuve, elle ne sera jamais privée d'enfants. On croit entendre parler Hitler quand il parlait du Reich de 1000 ans. C'est le millénium satanique qui est en train de s'instaurer. Alors on comprend l'étonnement de Jean. Mais l'ange lui parle, il dit oui, Dieu permet, pour un temps, à Babylone d'être achevée et d'être reconstruite. Mais, contrairement à ce qu'elle pense, ce n'est pas 1000 ans que va durer son règne. C'est 1 heure. Un temps très court. Alors évidemment, il ne faut pas prendre ce chiffre 1 heure à la lettre. Ça veut dire tout simplement un temps très court. Et cette Babylone, au fait de ses prétentions, de sa puissance, de son orgueil, de ce que les Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire l'arrogance élevée à la puissance 10, au moment où les hommes pensent avoir atteint leur but, enfin Babylone est achevée. En un instant, en 1 heure, sa ruine intervient. Et cette ruine n'est plus une ruine partielle, comme ce fut le cas pour les autres épisodes où Babylone a connu aussi ces moments de gloire que nous avons évoqués. Mais sa ruine est définitive. Et Babylone éliminée, définitivement détruite, va permettre l'accomplissement du dessein de Dieu. Jérusalem va pouvoir être reconstruite. Jérusalem qui a été détruite par Babylone, mais qui maintenant, justement, parce que Babylone est définitivement écartée, va pouvoir descendre du ciel. Contrastant d'une manière totale avec la première de ces villes, Babylone. Babylone est comparée, comme Jérusalem d'ailleurs, à une femme. Et cette équation, Jérusalem plutôt une ville égale une femme, c'est quelque chose que nous trouvons dans la tradition juive. On a un texte qui date d'un peu après la chute de Jérusalem en 70, où un prophète a une vision. Il voit une femme en deuil en train de pleurer sous un palmier. Et alors, il est intrigué, il s'approche d'elle et il lui dit, mais quel est ton problème? Pourquoi tu pleures comme ça? Et cette femme lui répond, parce qu'un grand malheur s'est abattu sur moi. Mon mari a été massacré, mes enfants ont été égorgés, mes biens ont été pillés, et je suis maintenant dans une totale détresse, dépouillé de tout. Et le prophète lui dit, eh bien, c'est dramatique en effet, mais je vais prier pour toi. pour que le Seigneur intervienne en ta faveur. » Et le prophète commence à prier pour cette femme. Et au moment où il prie pour elle, cette femme se transforme en une ville magnifique, parée d'or, de pierres précieuses, de toutes sortes de richesses. Et le prophète reconnaît que cette ville n'est autre que Jérusalem. Et cette vision se veut comme une prophétie. La femme représente Jérusalem détruite par les Romains en 70, donc dépouillée de tous ses biens, ses fils massacrés, emmenés en esclavage, et par conséquent dans une grande détresse. D'ailleurs, des monnaies qui ont été frappées par les Romains après cet événement-là représentent justement aussi cette même vision. Une femme en deuil, en train de se lamenter sous un palmier, avec cette expression latin « Judea capta », la Judée captive. Et la vision que j'ai évoquée tout à l'heure de celui qu'on appelle le quatrième Ezra, est une prophétie sur le rétablissement de Jérusalem. Certes, Jérusalem aujourd'hui est comme une femme en deuil, privée de ses enfants. Mais le Seigneur va la restaurer. Le Seigneur va la transfigurer. Et il en fera en fin de compte son épouse. C'est un thème que nous retrouvons aussi dans le livre de l'Apocalypse. Et après le récit de la destruction de Babylone que nous avons lu brièvement, le même ange qui lui a dit « Je vais te montrer cette grande prostituée, viens maintenant, je vais te montrer la femme de l'agneau, l'épouse, la femme de l'agneau. Et je vis descendre du ciel une ville magnifique, cette ville parée d'or, de pierres précieuses. » La nouvelle Jérusalem, l'épouse. Là, on retrouve ce qui était au commencement, une situation, un état où, comme avant la chute, il n'y avait que du bien, le mal n'existait pas. Ni le mal, ni ses conséquences, ni la souffrance, ni la mort. Et nous avons vu qu'ensuite, on arrive à son contraire. Un état où il n'y a plus que le mal qui existe. Et voyez-vous, ce sont ces deux pôles. Jérusalem, c'est la situation où il n'y a que du bien, où le mal n'existe pas. Et cette Jérusalem est comparée à une épouse sans rides, sans taches, sans aucun défaut, qui peut être épousée par le Seigneur, comme d'ailleurs l'ont annoncé les prophètes. Ça a été chanté tout à l'heure, si je ne m'abuse. On t'appellera épousée. C'est tiré du prophète Ésaïe. Par contre, Babylone est comparée, elle, aussi à une femme, mais à une prostituée, à une épouse infidèle. Par conséquent, là aussi, ce sont deux contraires. Et l'élimination de Babylone est la condition pour que Jérusalem soit épousée et soit la ville qui demeure pour l'éternité. Et cette ville, qui selon la vision du quatrième Ezra que j'évoquais tout à l'heure, est comme une femme en deuil, et ça les Romains avaient exploité ce thème comme je vais expliquer à partir des monnaies qu'on trouve encore aujourd'hui en grand nombre quand on fait des fouilles archéologiques en Israël, eh bien, cette ville, en fait, qui pense être privée d'enfants, comme le disait aussi le prophète, les enfants de celle qui a été délaissée, l'épouse délaissée, seront plus nombreux que ceux de celle qui est mariée. Par contre, cette prostituée, la grande Babylone, qui disait « Je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privée d'enfant. » Le prophète déclare, en une heure, ces choses t'atteindront, tu seras privé d'enfant et tu seras veuve. Le jugement de Dieu qui vient à la fin. De ville, que l'on retrouve donc ici dans toute l'histoire, nous l'avons vu tout à l'heure, et qui sont en quelque sorte les deux pôles de ce drame. Le livre de la Genèse, nous l'avons vu, c'est le vil livre où s'affrontent le bien et le mal. Le thème central du livre étant justement cet antagonisme entre le bien et le mal. Et les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse évoquent l'augmentation, la croissance du péché sur la terre. Nous avons vu hier soir cette lente décadence de ce monde sorti parfait des mains du Créateur lors de la première génération et qui est complètement corrompu au moment où apparaît la 10e génération, où il n'y a plus, cette fois-ci, que du mal. Cet éloignement, cette décadence de l'humanité est la conséquence du péché de l'Éden. Et c'est alors qu'intervient justement le drame de la tour de Babel, qui est la génération de la séparation d'or à Avlaga, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et cet acte est le dernier de la longue chaîne des péchés qui a commencé dans le jardin d'Éden et qui vont en augmentant. Chaque génération est pire que la précédente. La pire des générations, c'était la génération de Noé. Et pourtant, nous disent les sages d'Israël, il y a une génération qui a été pire que la génération de Noé. Comment est-ce possible? La génération de Noé était tombée au comble de la déchéance, et notamment au travers justement de ce péché qui est le comble du péché, le péché d'homosexualité. Comment peut-on descendre plus bas dans l'iniquité? Et finalement, c'est une question que nous pouvons nous poser aussi aujourd'hui. Est-ce que nous sommes arrivés au creux de la vague, nous qui vivons aujourd'hui cette situation dont parlait notre regretté frère David Wilkerson, quand il disait « Nous sommes devenus pires que Sodome ». D'abord, est-il possible d'être pire que Sodome? Oui, on le constate, il avait raison. À Sodome, il n'était pas question de mariage d'homosexuels. À Sodome, il n'était pas question de manipulation génétique. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, de fait, David Wilkerson avait raison. Nous sommes devenus pires que Sodome. Et avec toutes ces manipulations génétiques qui sont en préparation, on peut se dire, mais nous sommes arrivés au comble. On ne pourra plus descendre plus bas. Et on essaye un peu d'imaginer ce que pourrait être encore une déchéance un peu plus basse encore de ce que nous connaissons aujourd'hui. Or, s'il est vrai que de ces 10 générations d'Adam à Noé, la génération de Noé a été la pire, les sages d'Israël nous disent « il y a une génération qui a été pire encore ». C'était la génération de Babel. Comment le péché des hommes de Babel pouvait-il être pire que celui de la génération de Noé? Eh bien, nous avons vu qu'au commencement, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et un des aspects de cette image de Dieu, c'était que l'homme avait été créé comme étant un être libre, à l'image de Dieu, qui est un être libre. Libre de choisir entre ces deux pôles que nous avons évoqués, le bien et le mal. Se soumettre à Dieu, le bien, ou se révolter contre Dieu, le mal. Et cette liberté, qui est aussi celle de Dieu, faisait que, de fait, cet homme était l'image de Dieu. Et même lorsque l'homme choisit de se détourner de Dieu pour se tourner vers le mal, il exerce sa liberté, une liberté que Dieu respecte totalement. Dieu ne va pas influencer en quoi que ce soit le choix de l'homme. Et l'homme qui décide de se détourner de Dieu, Dieu ne l'en empêchera pas. Dieu respecte sa liberté. Dieu respecte notre liberté à un degré que nous avons du mal à imaginer. Tu es libre, parce que tu es l'image de Dieu. Et cette image de Dieu, elle est aussi représentée dans la tradition juive par ce que l'on appelle les deux yotzrim. Yotzer en hébreu, ça veut dire le créateur. Littéralement, le yotzer, c'est un potier. Et le potier est un créateur dans ce sens que, eh bien, il crée une œuvre d'art, hein, un vase. Et par extension, le mot yotzer signifie aussi créateur. Et à plusieurs reprises, chez les prophètes notamment, Dieu est représenté comme un potier, autrement dit, comme un créateur. Et les sages d'Israël nous disent, Dieu a placé dans l'homme deux yotzrim. Et là, il ne faut pas traduire par créateur, mais par tendance. Deux tendances dans l'homme. Yotzer Atov ve Yotzer Ara'a. Yotzer Atov, c'est la tendance au bien. Alors pourquoi emploie-t-on ce mot Yotzer pour désigner la bonne tendance? Parce que finalement, cette tendance qui est dans l'homme, qui le pousse vers ce qui est bien, cette aspiration vers le bien que tous les hommes connaissent, tous les hommes normaux en tout cas. Et Paul le rappelle dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, quand il dit « J'ai le désir de faire le bien ». Parce que dans mon être intérieur, je reconnais que c'est quelque chose de positif. Et cet être intérieur qui est en moi, c'est-à-dire si Paul employait le langage rabbinique, il dirait ce yotzer à tov, cette bonne tendance qui est en moi, eh bien, elle me pousse vers le bien. J'affectionne le bien. Et je voudrais le réaliser, ce bien. Et c'est une aspiration qui vient de Dieu. C'est finalement l'œuvre de l'Esprit-Saint dans l'homme. L'Esprit-Saint qui est aussi créateur et qui veut façonner dans l'homme ce qui pourrait être positif dans sa vie, ce qui pourrait l'amener à se conformer au plan du Créateur. Mais nous dit l'apôtre Paul, alors qu'il y a en moi cette tendance qui me pousse vers ce qui est bien, je vois en moi-même une autre loi qui lutte contre cette loi de mon intelligence, de mon entendement qui me pousse vers le bien et qui, elle, au contraire, me tire vers le bas. Ce qu'en hébreu on appelle Yotzer Ara'a, la mauvaise tendance. Il y a dans l'homme ces deux tendances, la bonne tendance et la mauvaise tendance. Et cette mauvaise tendance, elle est animée par un autre esprit, non plus par l'esprit de Dieu, comme la bonne tendance, mais par l'esprit de l'adversaire. Et lorsque Jésus nous enseigne à prier, la dernière des demandes du Notre Père est celle-ci. Délivre-nous du mauvais. Délivre-nous du ra'a, c'est-à-dire de la mauvaise tendance. Et la mauvaise tendance, ce n'est pas seulement justement quelque chose qui est à égalité avec la bonne tendance. Parce que derrière justement cette mauvaise tendance, il y a le tentateur, il y a le serpent de l'Éden. Et dire « délivre-nous du mauvais », c'est dire « Seigneur, délivre-moi de cette mauvaise tendance qui est en moi, dont parle l'apôtre Paul, cette mauvaise tendance qui m'empêche de réaliser ce à quoi j'aspire, ce qui est juste et ce qui est bien, et qui me rend captif de la loi du péché et de la mort. » délivre-moi de cette mauvaise tendance. Mais le mauvais, c'est aussi le Satan, l'adversaire. Et le drame de l'Éden, c'est que l'homme a permis à cette tendance, qui pouvait aussi l'entraîner vers le mal, parce qu'au début, elles étaient à égalité, à pactiser avec l'adversaire. C'est comme si vous aviez dans une ville assiégée des complices de l'ennemi qui est à l'extérieur, qui est en train de battre la muraille, et qui, à l'insu des défenseurs de la ville, va ouvrir la porte à l'ennemi. Il y a en nous, dans notre mauvaise tendance, quelque chose qui est complice du péché, quelque chose qui est complice de Satan, et qui fait que justement, nous ouvrons la porte à l'adversaire, alors même que nous voudrions faire le contraire. Mais, voyez-vous, bien que nous soyons vendus au mal, vendus au péché, vendus à cette mauvaise nature qui provoque toutes les formes de péché les plus abominables que nous avons évoquées tout à l'heure, même lorsque l'être humain accepte et décide de se soumettre au mauvais, il reste libre et il reste à l'image de Dieu. Et quel est justement le comble du péché? C'est la destruction de l'image de Dieu dans l'homme. Est-ce qu'il est possible de détruire l'image de Dieu dans l'homme? Les sages d'Israël nous répondent oui. Et c'est justement le péché énorme de la génération de Babel. La génération de Babel était pire que la génération de Noé, parce que de toutes les générations qui l'avaient précédée, elle est la seule qui ait détruit l'image de Dieu dans l'homme. En quoi la génération de Babel a-t-elle détruit cette image de Dieu dans l'homme? Eh bien, c'est le comble de la tentation, en faisant en sorte que l'homme accepte librement de renoncer à sa liberté. Et quand il n'y a plus de liberté dans l'homme, l'image de Dieu a disparu, parce que Dieu est un être libre. Mais justement, la liberté de Dieu, que Dieu nous a donnée, cette liberté que Dieu respecte, avec un scrupule, comme je disais tout à l'heure, que nous avons du mal à imaginer, va jusqu'à nous permettre, à nous les hommes, de renoncer librement à notre liberté. Est-ce que cela est possible? Qu'est-ce qui peut amener un être humain à renoncer à sa liberté? Nous, Français, nous sommes en principe des amoureux de la liberté. C'est notre devise. Liberté, égalité, fraternité. Et nous nous glorifions, nous et notre glorieuse révolution, d'être ceux justement qui ont introduit l'idée de la liberté dans le monde. Je ne suis pas certain que ce soit exact. Je ne suis pas certain que nous ayons à être fiers de cette situation-là. La liberté, qui est celle de notre devise républicaine, n'a pas grand-chose à voir avec la liberté dont nous parle la Bible. Il est vrai que, à cette époque-là aussi, l'homme restait libre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une autre révolution qui nous ramène à la génération de Babel, celui où nous renonçons librement à notre liberté. Qu'est-ce qui peut nous inciter à cela? L'adversaire, l'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist. À Babel, ce qui était au centre du problème, c'était justement cette volonté de Nimrod, animée par l'esprit d'Antichrist, et qui était lui-même une figure de l'Antichrist, un type de l'Antichrist, et son but, c'était de priver les habitants de Babel de toute leur liberté. Et cela, ça ne pouvait être réalisé que dans la mesure où chaque individu renonçait lui-même à sa liberté parce qu'aucun être, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut nous priver de notre liberté, à moins que nous ne lui donnions la possibilité de faire. Et le principe essentiel de la Bible, c'est justement le principe du libre arbitre, le principe de choix. Et après la chute, en donnant ces livres que nous avons évoqués, Dieu veut apprendre à l'homme à faire la différence entre le bien et le mal. Et même lorsque Cain a accompli le pire, le meurtre de son frère, Dieu ne le punit pas, mais il le protège. Il met un signe sur Cain pour que si des gens de la tribu de Seth qui a succédé à Abel le rencontrent, ils ne le tuent pas. Donc Dieu reconnaît que Cain, dans son égarement même, a gardé quelque chose de l'image de Dieu. Après l'affaire du déluge, Dieu aussi a compris qu'il ne peut pas régler le problème de la rébellion de l'homme par le jugement, et que la liberté de l'homme demeure même quand il choisit le mal. Mais à Babel, les hommes vont pécher non plus seulement contre Dieu, mais contre eux-mêmes. Et le propre de Babel, c'est que c'est une société totalitaire, une société qui est entièrement conditionnante, et les sages d'Israël nous disent que la raison d'être de la tour, c'était que chaque habitant de Babylone, depuis le sommet de la tour, on pouvait observer tout ce qui se passait dans la ville. Il y avait des observateurs de Nimrod qui étaient sur le sommet de la tour et qui surveillaient chaque être humain. Et chaque être humain devait respecter scrupuleusement, sans réfléchir, tous les ordres qui étaient donnés par Nimrod et par ses sbires, et ils étaient sous une surveillance et sous un conditionnement permanent. Babel, confusion, c'était la société du conditionnement. Les hommes étaient amenés à ne plus réfléchir, à ne plus penser. Ils avaient une seule langue, et ça veut dire qu'ils avaient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, et ce qu'on appelle aujourd'hui, une pensée unique. La pensée de leur chef Nimrod. Ils étaient arrivés à un point tel d'esclavage et qu'ils se soumettaient volontairement à cet esclavage-là en échange des bienfaits matériels qui leur étaient conférés. Et de fait, quand on voit ce qu'était la ville de Babylone à cette époque-là, c'était une ville au niveau de vie très évoluée. Et Nimrod avait réussi ce tour de force. Il avait offert aux hommes de Babel un niveau de vie sans précédent, une situation de confort sans précédent, à condition qu'ils acceptent de renoncer à leur liberté de penser et à leur liberté de parler. Il y avait une langue unique, il y avait une pensée unique, et les hommes étaient satisfaits de cet esclavage. Parce qu'en échange de cet esclavage, ils avaient des bienfaits extraordinaires. Les sages d'Israël nous ont dit, ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants. Et cette Babel, quand elle sera achevée, aura les mêmes caractéristiques. Une société du conditionnement, une société qui court-circuite la pensée, qui court-circuite le langage, et s'il n'y a plus de pensée, eh bien il n'y a plus de liberté. Les hommes sont des espèces de chiens de Pavlov qui réagissent à des stimuli, qui réagissent à des émotions, et qui sont incapables de penser, incapables de réfléchir, incapable de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe et incapable de toute forme d'esprit critique. Et ça, les sages d'Israël disent, c'était déjà quelque chose qui existait au moment de cette génération de Babel. Et c'est en cela que cette génération de Babel était pire que la génération de Noé. Et cette génération, nous disent les sages d'Israël, elle réapparaîtra à la fin. parce que cette génération était cette génération qui était sous un conditionnement total, qui était esclave sans même le savoir, et qui était satisfaite de son esclavage, eh bien, l'exil à laquelle Dieu a condamné cette génération était en réalité une grâce, une bénédiction. Parce que justement, c'était amené ces hommes qui étaient une espèce de masse informe. Et finalement, depuis le marxisme, on parle justement de l'homme comme une masse. Ce n'est plus l'individu, ce sont les masses. Et la technique moderne veut nous enfermer dans la masse. Nous sommes simplement des pions qui sont en quelque sorte, qui doivent entrer dans des données statistiques. Et par conséquent, il faut que tout le monde soit identique pour qu'on puisse entrer justement dans ces données statistiques qui vont être ensuite traitées par des ordinateurs. Les algorithmes des ordinateurs ne travaillent que sur des statistiques. Donc il faut que chacun puisse entrer dans ce même moule pour qu'il soit justement manipulable statistiquement parlant. C'est Churchill, paraît-il, qui disait ceci: « Je connais trois types de mensonges. Le mensonge simple, le gros mensonge et les statistiques. » Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce stade. Et Babel est en train d'être achevé. Et aujourd'hui, en échange d'un confort matériel sans précédent, l'esprit de l'Antichrist, l'esprit de Babylone, veut nous amener à renoncer nous-mêmes librement à notre liberté. Et bien des hommes et des femmes aujourd'hui ont déjà perdu cette liberté. Le système de Babylone était un système totalisant et totalitaire, en ce sens, nous l'avons vu tout à l'heure, qu'il n'y avait plus de il n'y avait plus de vie privée possible. On était constamment sous la surveillance de ces sbires de Nimrod qui étaient sur la tour de Babel. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui la transparence totale. Dans quelque temps, grâce maintenant à ces ordinateurs de prochaine génération, ce qu'on appelle la 5G, eh bien, chacun d'entre nous pourra être dans cette situation-là, un moment surveillé à tout instant. La vie privée, c'est du passé. La vie privée, c'est fini. Et par conséquent, eh bien, nous sommes soumis à ce conditionnement absolument incessant et que nous acceptons joyeusement, librement, du moins la plupart des gens qui nous entourent, en échange justement des bienfaits matériels que cette nouvelle civilisation de la communication, comme on le dit, est en train de nous donner. Possibilité de communiquer en temps réel avec les extrémités de la Terre, possibilité d'avoir, comme on le dit, des milliers d'amis grâce à Facebook. Mais ça aussi, c'est un mensonge. C'est une illusion. L'homme que l'on veut noyer dans la masse, eh bien, est privé non seulement de sa liberté, mais également de ce qui fait aussi une des nécessités de l'être humain, la communion avec ses semblables, la communion véritable. Et cette communion, c'est-à-dire le fait de partager ensemble les joies et les peines, cette communion qui est à la base, par exemple, de la cellule familiale, cette communion qui est à la base de toute société saine, et cette communion qui est à la base de l'Église. L'Église peut aussi, d'une certaine manière, se comprendre comme une communion, un partage. J'ai besoin de l'autre, et l'autre a besoin de moi. Nous ne sommes pas ces individus qui sont tous identiques, tous semblables, les fourmis bleues de Mao en son temps, que l'on peut mettre en équation dans des statistiques. Mais chacun d'entre nous est un être unique, un être qui n'a absolument aucun équivalent et qui n'aura jamais aucun autre équivalent. Et ce faisant, j'ai non seulement un rôle, une mission qui m'est confiée par Dieu et qui ne peut être réalisée par aucun autre que par moi-même, mais j'ai aussi besoin de l'autre parce que je ne suis pas complet. Je peux apporter aux autres ce qui m'est spécifique, ce que Dieu m'a donné. Mais j'ai besoin de recevoir des autres ce que Dieu leur a donné. Et c'est ça la communion, le partage. Or aujourd'hui, comme à Babel, le partage est remplacé par la communication. La communion est remplacée par la communication. C'est le grand mot. Et toutes les techniques de communication maintenant se sont développées sur la terre entière. Et en fait, on arrive à ce stade qui était celui aussi de Babylone, où tout le monde communique, mais personne ne comprend personne. Tout le monde parle, mais il y a confusion des langues, personne ne comprend ce que l'autre est en train de lui dire. Et comme le notait déjà en son temps le professeur Jacques Ellul, ce qui est la marque justement de cette civilisation de la communication, c'est qu'on a des moyens de communiquer comme on n'a jamais eu dans l'histoire. Et de fait, on peut communiquer en un instant avec le bout du monde en temps réel, mais on n'a rien à dire. Rien de décisif en tout cas. Qu'est-ce qui circule sur les réseaux sociaux? De la publicité pour des dentifrices ou pour des babioles sans aucune valeur, ou simplement sur des ragots de commère où on échange avec ses amis des banalités. Rien de profond, rien de sérieux. Et l'on a l'impression d'une communion. En fait, c'est une fausse communion. Et l'Église se laisse prendre aussi à ce piège, dans ce sens que, eh bien aussi, aujourd'hui, nombre de chrétiens cessent de fréquenter les églises, qui devraient être des endroits de communion, et se connectent avec des méga-church par ces moyens de communication que sont les réseaux sociaux. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que pour des malades, des isolés, des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, le fait de regarder un culte sur des réseaux sociaux n'est pas quelque chose de positif, c'est mieux que rien. Mais ça ne remplacera jamais l'Église. L'Église, le lieu de la communion. Et c'est un mensonge. On croit être en communion avec des frères, mais tu n'es pas en communion, tu es devant une image. Tu es devant un mensonge. Ce n'est pas l'Église qui est en face de toi. Tu es seul devant ton écran. Et quand tu parles avec tes milliers d'amis par Facebook, ce n'est pas comme quand tu parles en face de ton ami. C'est une illusion. C'est l'illusion de la communication. Tu parles, mais il n'y a rien à dire. C'est une incompréhension fondamentale. C'est la confusion des langues. Communication égale confusion. Voyez-vous aussi aujourd'hui, nous sommes arrivés dans ce stade-là où la communication est impossible, où les seuls messages qui sont diffusés, c'est ceux qui concernent le fait de produire et de consommer. Voilà aujourd'hui ce qui est le seul langage qui est diffusé par les hommes. Et les enseignants, ma fille qui est là, qui est enseignante, pourrait vous en parler, constate chez les jeunes qui sont conditionnés, qui sont façonnés par ces moyens de communication modernes, ces écrans, un appauvrissement alarmant du langage. Les enfants et les jeunes ne savent plus parler. Et parce qu'ils ne savent plus parler, ils ne savent plus penser, et par conséquent, ils sont ouverts à toutes les manipulations, à tous les conditionnements qui sont ceux de l'Antichrist. Et cette Babel qui est en train de paraître devant nous est en train de préparer un troupeau de moutons de Panurge qui suivront au pas cadencé l'Antichrist quand il apparaîtra comme un seul homme. Et voyez-vous, nous avons besoin aussi de la grâce de Dieu dans un temps comme celui-ci. Nous sommes arrivés à ce péché, le pire de tous les péchés, où l'homme renonce à sa liberté. Alors, que faire? Eh bien, d'abord, il y a cette intervention de Dieu. Dieu qui descend et qui va confondre les projets de ces hommes. Babylone est presque achevée aujourd'hui dans notre monde, mais en une heure, son jugement va venir. Alors, nous sommes arrivés à un stade où il suffit de tenir encore une heure. Ce n'est pas la mer à boire, mais il faut tenir pendant cette heure-là. Et dans les chapitres 40 à 66 du livre du prophète Ésaïe, où la chute de Babylone tient aussi une place essentielle, il y a cette promesse de Dieu, « Ce qui est tordu sera redressé. » Et le temps de la fin, le temps du jugement de Dieu, sera un temps où ce que l'Antichrist a tordu, eh bien, sera redressé par le Seigneur. Et le prophète déclare aussi, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Le Seigneur promet qu'il va intervenir pour ses élus dans ce temps-là. Maintenant, il faut tenir cette heure. Et comment se tenir cette heure? Eh bien d'abord, en restant des hommes. Et c'est aussi une des exhortations de l'apôtre Paul, une exhortation prophétique que nous trouvons notamment dans la première épître aux Corinthiens, où Dieu déclare à ses destinataires, les destinataires de cet épître, « Soyez des hommes ». Des hommes, ça veut dire des êtres, nous l'avons vu, qui sont à l'image de Dieu. Et un des biens des plus précieux qui nous a été donné par Dieu, c'est justement notre liberté. Et voilà, nous sommes devant cette tentation que nous retrouverons aussi avec Ésaü, par exemple. Vendre notre liberté pour un plat de lentilles. Et tenir ferme dans ce temps-là, c'est peut-être renoncer au plat de lentilles de ce monde. Renoncer à tous ces bienfaits que l'Antichrist nous propose en échange de notre liberté. Et dans le chapitre 17-18 du livre de l'Apocalypse que nous avons vu tout à l'heure, il est dit ceci, « Sortez du milieu de mon peuple, de cette Babylone qui va être détruite, sortez du milieu d'elle, pour que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez pas non plus à souffrir justement de ce qui va lui arriver. » Sortir, comme Abraham est sorti de Babylone, pour se mettre en route vers Jérusalem. Abraham, qui a quitté, sans regarder en arrière les Babylones de ce monde, pour se mettre en route vers la cité qui a des solides fondements, Jérusalem, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Sortir, comme le peuple d'Israël aussi est sorti d'Égypte. Et en Égypte, où il était esclave, mais où en même temps il était bien matériellement. Et le peuple d'Israël va sortir dans le désert, c'est-à-dire dans des conditions difficiles, dans des conditions inhospitalières, dans des conditions où il va se trouver pratiquement démuni de tout, dépouillé de tout, car le désert, c'est aussi un endroit de dépouillement. Et, paraît-il, une des morts les plus terribles qu'un être humain puisse connaître, c'est la mort par la soif. Et on retrouve, de temps en temps encore aujourd'hui, des voyageurs imprudents qui sont morts de soif. Et il paraît que lorsqu'on est sur la piste de quelqu'un qui est mort de soif, on trouve cette piste parce qu'on trouve tout ce qu'il lui possédait, qu'il possédait, qu'il a abandonné. Ses vêtements, il se dépouille de ses vêtements les uns après les autres. Le désert est un lieu de dépouillement. Dans le désert, l'or et l'argent, ça n'a aucune valeur. Les richesses, les biens, ça n'a aucune valeur. Une seule chose a de la valeur dans le désert, l'eau. Ça vaut plus que l'or, ça vaut plus que toutes les richesses les plus extraordinaires. Et le peuple de Dieu sort d'Égypte. Nous aurons l'occasion de le voir demain. L'endroit, le pays le plus développé de l'époque, le plus riche, le plus prospère, pour aller dans ce lieu où il va être démuni de tout, dépouillé de tout. Et dans le désert, la vie est pratiquement impossible à moins des miracles de Dieu. Et Israël va subsister dans le miracle, dans le désert, par un miracle constamment renouvelé de Dieu. Tous les jours, Dieu va lui donner à manger le pain de la manne, l'eau qui sort du rocher, et toute son existence dans le désert est un miracle. Et dans l'Apocalypse, vous retrouvez cette idée. Le peuple de Dieu, poursuivi par le serpent de l'Éden, qui se trouve emmené dans le désert, où il va être nourri par Dieu, comme le peuple d'Israël a été dans le désert, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Par conséquent aussi, c'est une marche par la foi. Je t'ai nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Et je l'ai fait pour t'apprendre une grande leçon. C'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le désert, c'est aussi un endroit de liberté. Et on ne se sent véritablement libre que dans le désert. Je l'ai souvent expérimenté. Et lorsque Israël sort d'Égypte pour aller au désert, il sort de l'esclavage pour rencontrer la liberté. Mais la liberté, c'est le contraire de l'abondance. C'est le contraire de la sécurité. Par essence, la liberté, c'est l'insécurité. Et dans le temps dans lequel nous vivons, nous ne voulons pas de l'insécurité. Et le peuple d'Israël a éprouvé aussi cette tentation. À plus d'une reprise, il s'est souvenu des pots de viande qu'il mangeait en Égypte, des légumes, des oignons, des lentilles qui lui étaient donnés. Et il s'est dit, retournons en Égypte, retournons dans notre esclavage, renonçons à notre liberté en échange de ces pots de viande de l'Égypte. C'est à la liberté que vous avez été appelés, dit Paul, ne devenez pas esclaves des hommes. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à la liberté. Il faut savoir que la liberté dans un monde comme celui-ci, ça coûte cher. Ça nous amène à renoncer aux pots de viande de l'Égypte. Et plus d'un chrétien aujourd'hui a trouvé que cette liberté était trop coûteuse. Et comme les Israélites sont revenus en Égypte, en échange des pots de viande et des plats de lentilles que l'Égypte moderne lui offre. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. C'est le choix. Aujourd'hui, ou bien c'est l'esclavage total, l'abdication de toute forme de liberté qui nous est pratiquement imposé par ce monde, ou bien dire non, sortir au désert, pour se mettre en route vers la terre promise, comme Abraham avait quitté Babylone et s'était mis en route vers la terre promise. Va vers le pays que je te montrerai, je te bénirai, et toi aussi, tu seras en bénédiction pour des multitudes. Parce que tu seras aussi ces phares de la liberté. Et c'est pour la liberté que Dieu a créé l'homme, c'est pour la liberté qu'il a créé son Église, comme il a créé le peuple d'Israël, peuple libre. Je suis l'Éternel qui te libère de l'esclavage de l'Égypte et de toute forme de servitude, de toute forme d'esclavage. Cette liberté, c'est que tu te soumettes à moi. Mais c'est le contraire de la liberté. Non, c'est la vraie liberté. Se soumettre à Dieu, c'est la vraie liberté. Et la liberté est la condition même de la bénédiction. Nous allons prier. Seigneur, avec le psalmiste, nous voulons redire ce que déjà nous t'avons dit ces jours derniers. Tu as fait de nous des créatures merveilleuses à ton image. Des créatures que tu as créées un peu inférieures à toi. Et tu nous as appelés à cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et lorsque tes enfants se sont trouvés esclaves du mauvais, du Yotzer Hara, du Satan, tu es venu et tu l'as libéré de toutes les Égyptes qui étaient les siennes, de toutes les formes d'esclavage. Seigneur, tu avais aussi libéré Abraham de cet esclavage de Nimrod. Et aujourd'hui, Seigneur, où nous voyons Babel qui est en train de s'achever, Babel qui est en train de redevenir ce système où toute liberté est exclue, tu nous dis, sortez du milieu de mon peuple. Va-t'en, va-t'en vers le pays que je te montrerai. Quitte ta famille, ta patrie, la maison de ton père, tes sécurités, tes richesses, tes biens, tout ce qui justement t'est cher, mais qui te coûte ta liberté. Renonce à toutes ces choses, parce que la liberté vaut plus que toute autre chose. Et mets-toi en route vers le pays que je te montrerai, vers la Jérusalem céleste. Seigneur, nous savons que ce choix n'est pas facile. Il ne l'avait pas été pour Abraham. Et pourtant, Seigneur, tu lui avais donné la force de marcher jusqu'à Jérusalem, Salem. Seigneur, nous réalisons qu'il y a un prix à payer dans ce monde pour rester des hommes à ton image. Seigneur, permets que nous choisissions la liberté et que nous renoncions à tout, pour, comme tu nous invites à le faire aussi, prendre notre croix et te suivre. Te suivre, ensuite tu nous dis, celui qui vaincra s'assiera avec moi sur le trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis aussi sur le trône. Donne-nous, Seigneur, d'être de ceux qui renoncent à tout pour pouvoir, au dernier jour, avoir ce trône dans la Jérusalem céleste. Donne-nous-en la force. Et avec la prière que tu nous as apprise, nous te disons, Seigneur, ne permets pas que nous succombions à la tentation, à l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Amen.